بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنسنت مباشرة في درسنا وقال المؤلف رحمه الله تعالى تتمة أي une chose qui complète ce qui a précédé par rapport au تشابه ومحكمة قال التشابه الواقع في القرآن نوعان حقيقي ونسبي. Tashabuh dans le Coran, deux sortes, haqiqi et nisbi. Haqiqi, c'est-à-dire qui est lié à la réalité des choses, et nisbi qui est relatif, en fonction des gens. Ça, c'est ce qu'il va dire là, Kod Marrabina, Kod Akhaznaou. Là, juste, il l'a mis à part pour refaire un, pour bien compléter le même qu'on vient de prendre, mais ce qu'il va dire là, on l'a déjà pris. قال الحقيقي ما لا يعلمه الا الله عز وجل مثل حقيقه ما اخبر به عن نفسه وعن اليوم الاخر فان وان كنا نعلم معاني تلك الاخبار لنعلم حقائقها وكنها كما قال الله تعالى عن نفسه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. Donc là le haqiqi c'est ce que seul Allah connaît, comme مثلا la chose, les choses dont ils ont informé par rapport à lui-même. Donc ces sifat, réalisadika, ou yom al-akhir. Nous, on connaît les ma'ani, le sens de ces akhbar, mais on ne connaît pas la haqiqa de ces choses-là. Comme ils disent, subhanahu wa ta'ala, dans le sens, et il sait ce qu'il y a devant eux, derrière eux, et qu'ils ne peuvent le cerner par la science. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas le cerner. Taha, verset 110. Wa qala ta'ala, la tudrikuhu l'abasar, wa yudriku l'abasar. Que les regards ne l'atteignent pas, mais lui, il atteint les regards. Surat al-An'am, verset 103. وَقَالَ عَمَّا فِي الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Il a dit à propos du jour dernier que aucune âme ne sait ce qui lui a été préparé comme réjouissance en rétribution de ce qu'il faisait. Sajda, prosternation, verset 17. Et dans le hadith Qudsi, Thabit fi Sahihayn, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala يعني الله عز وجل يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. On l'a pris auparavant que Allah عز وجل l'a dit que j'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce que aucun œil n'a jamais vu ni oreille n'a entendu et ce qui n'a jamais traversé l'esprit. On va dire les cœurs, mais en français ce sera l'esprit des hommes. Donc Allah SWT nous a informé à propos de lui-même ou du Yom al-Akhir en utilisant des termes qui ressemblent, plutôt en utilisant des termes dont le sens nous est connu par rapport à des choses qu'on a vues, et qu'on connaît, qu'on conçoit. Cependant, la réalité, on ne la connaît pas. D'accord ? On ne la connaît pas, comme on l'a déjà dit. Elle est kefiat majhoul. Mais les ma'nas, on les connaît. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est dans le Jannah, il dit qu'il y a du lahm, du laben, du asel, de l'eau, du khamr, tout ça, ces sens-là, on les connaît. Du khamr, on sait quoi du khamr. Du lahm, la viande, on sait quoi de la viande, réalisé à l'écart. Mais est-ce qu'on sait comment ils sont dans le Jannah? On ne sait pas comment ils sont dans le Jannah. Donc ça, c'est un tashabuh entre les termes employés pour les choses de al-ghaib et les choses qui ressemblent à ce que nous, on connaît. Un tashabuh, une ressemblance. وقال والإخبار عن الغائب لا يفهم إلا أو لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز وإن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. Donc les choses que nous avons à propos du Ghaib, de ce qui est absent, on ne peut le décrire que par des choses qui sont connues, des non connues, des choses connues. On va dire dont le sens est connu, en réalité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre les choses qu'on ne connaît pas par le biais de choses que l'on connaît. Tout en nous ayant fait savoir qu'il y a une différence distincte entre ce dont nous informe à propos de ces sifat, de ces asma, et des choses qui sont liées à l'akhira. Les termes sont les mêmes, mais il nous a fait également savoir que ce n'est pas pareil. à savoir que ce dont Allah nous a informé du Ghaïb, c'est A'zam. A'zam, bien plus grand que ce que l'on connaît ici dans Sha'id, dans la dunya. Donc, قال وهذا النوع الذي لا يعلمه الا الله لا يسال عنه لتعذر الوصول اليه. Donc cette sorte de tashabuh que seul Allah connaît, on n'a pas interrogé à son sujet, car on ne peut le concevoir, on ne peut y parvenir, si ce n'est après la mort. Juste lié à l'akhirah, c'est après la mort qu'on saura comment c'est. Donc là, il n'y a pas lieu de demander comment et comment et comment. On ne demande pas. قال واما النسبي فهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض فيعلمه منه الراسخون في العلم والايمان ما يخفى على غيرهم اما للنقص في علمهم او تقصير في طلبهم او قصور في فهمهم او سوء في قصدهم. Maintenant le nisbi, celui qui est relatif, sont des choses qui échappent à certaines personnes et non à d'autres. Ça, on l'avait pris déjà. مثلاً الراسخون في العلم, eux ils savent des choses qui ont échappé à d'autres personnes. Et ces choses ont échappé à d'autres personnes, pour quelles sont les raisons? Soit pour un savoir qui est réduit, ou soit qui n'a pas fourni les efforts qu'il convenait pour pouvoir le comprendre et l'atteindre, ou alors qu'il a une compréhension qui est réduite, limitée, ou alors qu'il a une mauvaise intention. Donc il n'a pas saisi la chose. قال وهذا النوع يسأل عن بيانه لأنه يمكن الوصول إليه إذ ليس في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس. Donc maintenant par contre ce نوع de تشابه qui est nisbi, qui est relatif, lui on peut interroger à son sujet, car il nous est possible de le connaître, car il n'y a rien dans le Coran qui a été ignoré par tous les hommes. Dans les termes dans le Coran, il n'y a rien que personne ne connaisse. Ça a été connu par certains, qui sont très peu, les ulama, et même parmi les ulama, c'est pas tous, et la plupart des gens ne le savent pas. Beaucoup de choses dans le Coran. Donc qu'est-ce qu'on fait nous quand on ne sait pas? On demande. Car à la base, comme on l'a pris auparavant, le but du Coran, c'est qu'on le médite pour l'appliquer. Donc si on ne comprend pas, comment on va faire? Il faut qu'on demande. فَاسْأَلُوا أَلَذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فقال عز وجل à propos de cela, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Nous avons fait descendre sur toi le livre pour éclaircir toutes choses. Les abeilles, verset 89. Donc toutes choses ont été éclaircies, c'est à nous de maintenant de rechercher. طَلَبَ الْعِلْمِ وَالسُّوَالِ لِلْعُلَمَا. وَقَالَ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًا وَمُعِزَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. Et ça c'est un éclaircissement pour les gens, une guidée et une exhortation pour les pieux. وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنِ الْأَدِلَّةِ الَّتِي قَدْ أَخَذْنَهَا سَابِقًا. Tout ça pour dire que le Coran, Allah SWT nous parle d'un kalam clair, wadih, à la base, l'île. Din c'est l'insan, mais ce n'est pas tout insan qui le comprend. Mais nous, on a en nous les facultés et les capacités de pouvoir le savoir. Après, il expliquait pourquoi certains ne le savent pas, ou plutôt pourquoi la plus majorité écrasante des gens ne le savent pas. قال ولهذا النوع أمثلة كثيرة في المسائل العلمية الخبرية والمسائل العملية والحكمية وغالب المسائل التي اختلف الناس فيها أو كلها من هذا النوع. Donc maintenant dans ce tashabuh nisbi, il y a beaucoup d'exemples et des masail ilmiya khabariya, c'est-à-dire liées مثلا aux قصص des انبياء, histoire des انبياء. Et également les masaïl qui sont liés aux ahkam, aux règles. Et la plupart de ces masaïl sont celles dans lesquelles justement les gens ils ont divergé. Il dira même que toutes celles dans lesquelles les gens ont divergé sont dans ces masaïl-là, celles qui sont tashabuh nisbi. C'est là-dedans que les gens ont divergé. Quand on lève une amthila dhalika fil masaïl al-ilmiya al-khabariya, قوله تعالى ليس كمثله شيء. Donc parmi ces masail ilmiya khabariya dont Allah nous informe qui contiennent de la science, ça part dans le sens où il dit il n'y a rien qui est comme lui. Du fait qu'il a ce verset a porté les mu'attila dans la confusion, car ils ont compris par ce verset là qu'il faut relier les sifat. Tamam, car pour eux ils ont pensé que le fait d'affirmer les sifat amène à quoi? Un tamthil, un tashbih. avec la création. Donc de là, ils sont tombés dans le ta'til. Et ils sont détournés des adillas sama'iyya, aqliyya, qui, elles, viennent pour affirmer ce sifat. Et ils ont oublié que le fait que les noms soient communs n'inclut pas une ressemblance, comme on l'a déjà dit. ثم قال ومن أمثلة ذلك في المسائل العملية الحكمية قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. Donc maintenant parmi les exemples des مسائل liés sur les actes et les ahkam, il a dit faites la salat comme vous m'avez vu l'accomplir. Là c'est un exemple qu'il vous donne dans lequel il y a eu un khilaf entre les gens. Du fait que ce hadith, là le shir il donne son avis à lui, attention, c'est une masa sur laquelle il y a eu khilaf. Lui donne son point de vue à lui. Il dit que ce hadith, beaucoup de fuqaha l'ont compris d'une façon, comment on dirait, ils n'ont pas compris comme il se doit. Car ce hadith, pour eux, ils ont compris ce hadith dans le comment de faire la salat et dans la quantité de la salat. Combien de rakat que tu fais, les radicats? Maintenant, il fait, bien sûr, là, il parle il va sortir un exemple de quoi il vise. Parce qu'il ne vise pas toutes les salawat. Les salawat, on a le nombre qui est précis, comme salawat et maktouba, on sait comment on doit faire. Et réel les adhika. Lui, il parle là maintenant, il va parler de quoi? Qiyam al-layl. Car des ulama se basent sur ce hadith pour dire que le qiyam, on le fait comme l'a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire pas plus de 11 ou 13 raka'at. Qiyam al-layl. Ou tarawih al zalika. Parmi le adillah, ce hadith-là, et d'autres. Sallu, kama ra'aytumni ou salli. Cheikh Othmane dit non, ce hadith-là, il est venu pour montrer le comment de la salat, pas pour montrer le nombre. Il a dit, on a divergé là-dessus. Lui, il voit que le hadith, il ne bayonne pas le nombre. Il a dit juste, faites la salat comme vous avez vu le faire, c'est-à-dire dans les gestes, dans les postures, et al zalika. Car lui, il dit, من تأمل الحديث وجده دلا على الكيفية فقط دون الكيمية. Celui qui médite sur le hadith verra qu'il démontre le comment et non pas le nombre, le combien. إلا أن تكون الكيمية في ضمان كيفية كعدد الصلاة الواحدة. قال ويدل لذلك ما ثبت في الصحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى فإذا خشي الصبح صلى واحدة وأوترت له ما صلي فأوترت وأوترت له ما صلي. Donc après il dit, comme le prouve le hadith de Ibn Omar, qu'un homme a interrogé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à propos de salat al-layl. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le dit deux par deux, c'est-à-dire deux rakat par rakat, deux rakat, deux rakat, deux rakat. Et si jamais tu crains que le subh n'arrive, alors tu ne fais qu'une seule rakat, le witr. Tu peux faire un seul, une seule rakat. Et si tu as fait le witr, c'est le minimum du witr, c'est un seul. Et dans une version, il est écrit Kayfa salat al-layl. Comment? La première version qu'on a prise, c'est Ma tara fi salat al-layl. C'est-à-dire, comment tu la vois, ça, de la nuit? Dans l'autre version, c'est Kayfa. Donc il dit Walaw kana adad qiyam al-layl mahsuran la bayyanahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yad as-sa'il. Dit donc maintenant, si le nombre de rakat de la salat de nuit était limité à un nombre précis, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui aurait donné. Il lui aurait dit. Là, il a juste dit, paire par paire. Deux rakat, deux rakat. Il n'a pas dit maintenant combien de paires. Il a juste dit deux par deux. Donc il a dit, il lui aurait dit, tu fais tant, tu t'arrêtes. La salam. Après, il dit au final, وَلِيَذَا كَنَا رَوْدِيحْ أَنْ يُقْتَصَرْ فِي الْقِيَامْ عَلَىٰ إِحْدَى عَشَرَ وَلَا أَوْ ثَلَثَ عَشَرْ وَإِنْ زَادَ عَلَىٰ ذَلِكَ فَلَا بَاسْ. Donc il dit maintenant le rajih, c'est de faire 11-12 rakat. Si Ami rajoute, il n'y a pas de mal. Car par exemple, tu connais, مثلاً, fil hijaz, fil haram, tarawih, ils font une trentaine, je crois, de rakat. Ou une vingtaine, j'ai oublié. Et ils se battent sur Afar ibn Omar, sur Afar, puis Kalam. Là, il y a Zubut al-Kathir ibn al-Muhaddithin. Et lui, il voit qu'il n'y a pas de limite dans le Salat al-Layl. Sur ce fahm-là, comme Cheikh Othman le voit. C'est un fahm. C'est un khilaf tafahum. Dans lequel tu ne blâmes pas celui qui voit la vie opposée. Maintenant, tu peux dire il a tort. Pour moi, je vois pas que. D'accord. Mais c'est pas comme Mas'ala où il se pose un dalil, car le dalil que lui cite, il a un wajj. On peut comprendre comme ça le dalil. Maintenant, nous, on dira quoi par rapport à ça, la vic? C'est que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a béyen ça par ses faits. Il y a des choses qui ont été béyen comment? Par ses actes. En lui-même. Mas'alan, fil hajj, qu'ala, khudhu anni manasikakum. Donc, il se peut qu'il te dise, lui, avec son qawl, un kalam qui est, mas'alan, mujmel, et par ses gestes, il va faire quoi? Là, c'est pas un tarsis. Avec le mujmel, c'est quoi? Là, c'est pas un mu'awwal. Mu'awwal, c'est que le zahir. Il va faire quoi? Aïwa? Il va faire un taqid. Naam. Ou il va te faire un lov'am, et avec ses affaires, il va faire un tarsis. Rayle zalika. Donc, s'il n'a jamais rajouté, comme l'a dit Aïcha, il n'a jamais rajouté à 11 ou 13, c'est qu'il y a un sabab. S'il aurait voulu montrer la permission, il l'aurait fait. Par exemple, Salat al-Duha, il l'a fait plus, il a, c'est déjà été rapporté de lui qu'il l'a fait deux fois, deux rakat, qu'il l'a fait quatre rakat, qu'il l'a fait autre, jusqu'à huit, c'est venu le jour de Fatih. Même certains ulama, ils ont dit que Salat al-Fatih, ils ont appelé cette Salat-là Salat al-Fatih. Le jour où Mahani est venu le voir, et il était en train de faire le roussel, c'était à l'heure du Doha, il a fait 8 rakat, séparés. Et le ulama dit non, ça c'est Doha qu'il a fait. C'est pas Salat al-Fatih. C'est Doha. Donc là, le fait qu'il ait fait à chaque fois des nombres différents, cela montre que quoi? Que tu peux faire comme tu veux. Et même des jours, il a délaissé le Doha, pour dire qu'en fait, des fois, tu peux ne pas le faire. Alors que Qiyam al-Layl, il a toujours fait le même nombre, à part s'il était malade ou relève à l'écart. Donc là, ça démontre bien que si Ami avait... on pouvait faire plus ou quoi? Tu peux faire moins. Et tu peux faire plus. Ça aurait été montré clairement. Mais comme je te dis, c'est une chose, là maintenant, c'est khilaf tafahum. Le meilleur, voilà, comme il a dit Cheikh Othaymin, yuktosal ma fa'al. Tu sors du khilaf, tu fais, je fais comme lui. Tu rajoutes pas. Maintenant, est-ce qu'on dit que celui qui font plus, ils ont fait une bid'a? Ça, je connais pas ce qu'on dit. Ils vont dire khilaf et sunna. Ils vont dire seulement khilaf et sunna, ce qui va pas ce qu'on là. Ah, mais ils vont dire bid'a? Ça, j'ai pas entendu qu'il y en a qui disent c'est bid'a. Peut-être qu'il y en a qui le diront, j'ai pas entendu qu'il y en a qui disent c'est bid'a, que tu fasses plus que cela. Le shahid, qui veut dire par là le shir, c'est que tu as des masa'il, tamam, dans le tashabuh nisbi, qui sont liés, mathalan, au ahkam, comme ce hadith-là, dans lequel on a divergé. Que certains ont compris mieux que d'autres. Ah, c'est ça qu'il voulait dire. Ah, ouais, pour la compréhension. Et que les termes, on les comprend. Salat al-Layl, on sait quoi, salat, Layl, masna, masna, tout ça, c'est les termes, on les connaît. Après, comme on les a compris, on a divergé dans la compréhension. Donc là, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui, que le tashabur est de deux noms. Haqiqi, celui que seul Allah SWT la connaît. Et le nisbi, celui qui est relatif entre les gens que certains connaissent mieux que d'autres. Et là-bas, c'est que les choses vraiment, sujets pointus et précis, et qui sont vraiment profonds, ça c'est Ras et Khoutan fil ilm qui le connaissent. Mafoumada? Tayyib. Ça c'est la tatimma de Qaïda al-Khamisa wa Aradan, c'est la cause al-Sadisa, inshallah ta'ala. Après, il reste encore un ders après Sadisa, et après on rentre dans le Qadar. On aura fini, mais il y a ta'alok bisifat. Alhamdulillah. Fais-le ou non, subhanaka wa bihamdik, la ilaha ilanta, astaghfiruka wa atubu ilayk.